LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Non merci, pas d'enfant. Manon Prigent, Anne Fleury. Aujourd'hui, d'une apocalypse à l'autre. J'ai du mal à m'exprimer là-dessus parce que vraiment pour moi ce choix c'est à la puissance de l'évidence en fait. Je me suis jamais vraiment posé la question avant qu'on me la pose, pourquoi je veux pas d'enfant. En fait, pour être tout à fait clair, je trouve que ce qui se passe est un peu surréaliste. Je suis ravie de vous donner cette interview, mais je trouve ça dingue en fait. Vous venez de Paris, vous faites 400 km pour m'interviewer pendant 2 ou 3 heures pour savoir pourquoi je veux pas d'enfant. Je trouve ça dingue. On est dans un monde qui s'effondre. Il y a 40 degrés, 42 degrés. On sait que la vie humaine est directement menacée à partir de 50. Je veux dire, c'est pas qu'on va se prendre 1,5 degré dans 20 ans, que le niveau de la mer va monter, que ça va submerger telles îles où de toute façon on n'ira jamais, etc. C'est juste que la vie humaine est directement menacée à partir de 50 degrés. Et là, on s'étonne plus quand il y a des pointes à 40, 41 à l'ombre. Parce qu'à Lille, il y a 2 ans, il y avait 47 en plein soleil. Je répète, la vie humaine est directement menacée à partir de 50 degrés, et vous faites 400 km pour me demander pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Je trouve ça dingue. Pourquoi on ne va pas demander aux gens qui font des enfants pourquoi ils font encore des enfants alors que, honnêtement, il faut être fou. Voir le nombre de livres qui paraissent sur le sujet et les titres récents de la presse, tout porte à croire que nous serions face à un moment inédit de baisse du désir de procréer. Comme si nous assistions à une révolution anthropologique qui ferait de la vie sans enfant un nouveau choix possible et audible. Pour autant, ce choix porte encore souvent le stigmate de l'anomalie. Soupçon d'égoïsme ou de traumatisme, peur du déclin démographique ou hantise de la grève des ventres, la question est rarement abordée avec sérénité. Face à cela, les child-free sont sommés de déployer un argumentaire qui semble se renouveler à chaque époque en fonction des valeurs et de l'esprit du temps. Cette série donne à entendre des personnes qui ont fait le choix d'une vie sans enfant. Célibataires ou en couple, militants, religieux, féministes, artistes, privilégiés ou précaires, en situant leurs paroles dans une histoire longue. Une histoire des renoncements à l'engendrement des premiers chrétiens à nos jours. C'est l'argument écologique qui aujourd'hui a pris une place prépondérante dans les discours. Cet épisode l'abordera non pas en termes d'efficacité, mais en termes de signification, en repérant dans le passé d'autres moments où la nécessité de se reproduire a été remise en question. Y aurait-il alors une filiation entre le renoncement à la chair prôné par les premiers chrétiens et le refus d'enfanter aujourd'hui pour des raisons écologiques ? Tout comme la série dans son ensemble, cet épisode propose de naviguer entre les époques pour en déceler les correspondances, les échos, les survivances. Je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes allé aux toilettes tout à l'heure. Dans ma chambre, j'ai une poussette, j'ai des affaires de bébé, j'ai des cosy et j'ai plein de poupées. Bon, je ne suis pas folle, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis militante antinataliste. Donc je me sers de poupées pour mes manifs, parce que j'ai remarqué que les poupées attiraient le regard, comme les bébés d'ailleurs, dès qu'il y a un bébé dans une poussette, etc., tout le monde réplique. Mais les poupées, ça le fait pas mal aussi, surtout quand elles sont à peu près réalistes. Donc j'en ai plein, par exemple, voilà. Nous sommes tous des bombes écologiques, arrêtons de nous reproduire, et on portait tous autour du cou des petites bombes, des petits dessins de bombes, et chacun de nos enfants portait des petits dessins de bombes également. Donc voilà, c'est pour les happenings militants que je fais. C'est du matériel militant, rien de plus. Alors, je m'appelle Alice Rallier, je vis à Anzin, à côté de Valenciennes. J'ai 44 ans. Alors, toute petite, je jouais avec des poupées, je m'imaginais que plus tard je serais maman, je faisais des dessins dans lesquels il y avait des maisons, un mari et puis plein d'enfants, une tripotée d'enfants et plein d'animaux. À 12 ans, alors je sais pas si j'ai vu des images d'accouchement, enfin en tout état de cause j'ai compris par où sortaient les bébés. Et j'ai pris à cet âge-là, donc de 12 ans, la décision que ça ne m'arriverait jamais. J'ai vraiment été choquée. Donc je sais que je ne veux pas d'enfant depuis l'âge de 12 ans. À 12 ans, c'était pas naturellement pour des raisons écologiques, puisque j'étais assez peu sensibilisée au problème. Et les raisons écologiques sont arrivées petit à petit. Donc ça, c'est votre maison ? Oui, une maison en pierre qui date de 1800, la première partie, et 1900, la deuxième, qui fait 40 mètres carrés au sol. Et il y a une pièce que j'habite de 20 mètres carrés, que j'ai rénovée de façon un petit peu écologique. Voilà. Je suis alimentée par des panneaux thermiques pour l'eau chaude et solaires pour l'électricité, parce que la maison n'est pas raccordée. Et je préfère être autonome en électricité, donc voilà, j'ai choisi cette solution. Et pour l'eau, vous... J'ai l'eau courante hein, de ville. Comment ouais. Vous faites pour chauffer votre eau, par exemple ? Et bah, c'est le panneau qui chauffe en été, et l'hiver, j'ai une cuisinière à bois où je mets des grandes bassines d'eau, et je fais chauffer dessus, et puis à l'ancienne... Au lavabo. Et votre projet d'arboriculture, il est ailleurs, si j'ai bien compris ? Oui. Là, j'ai quelques arbres comme ça, mais c'est l'entreprise, elle est à la chèvrerie de ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre, par exemple ? C'est assez varié pour m'adapter au dérèglement climatique où il y aura pas mal des années avec de la sécheresse, du gel tardif et tout. Donc j'ai plein de variétés très, très différentes pour être sûre d'avoir une récolte chaque année. Donc il y a des jujubiers, des acéminiers, des framboisiers, myrtilliers, des baies de mai, enfin pas mal de choses en récolte étalée, voilà. On s'installe ici ? D'accord. Alors je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans, je vis dans l'Orne, dans un petit village. J'habite au fond d'une impasse, assez isolée. Je suis arboricultrice, et je viens de me lancer cette année, donc... Pour l'instant, j'en vis pas, mais... Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous a conduite à considérer que vous ne souhaitiez pas avoir d'enfants ? Et bah, c'est en me renseignant sur l'écologie, avec les rapports du GIEC. Il y avait urgence à agir, et j'ai remarqué que le gouvernement et même les personnes autour de moi n'étaient pas du tout conscientes de ça et n'agissaient pas. Donc tout ce que le GIEC... a prévu qu'il allait se passer si on n'agissait pas, pour moi je suis convaincue que ça va se réaliser. Et donc je pense que c'est pas des conditions vivables pour un être humain. Bon. Donc je veux pas faire vivre un enfant dans ce monde-là, quoi. La caractéristique des époques critiques, c'est d'être vécu subjectivement comme des ruptures du temps. Daniel Hervieux-Léger, sociologue des religions. Qu'il s'agisse du christianisme antique qui se demande si le retour du Christ n'est pas imminent et ne va pas complètement bousculer toute la première communalisation chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc ce sont des ruptures du temps. Et nous vivons actuellement, avec la crise écologique et la prise de conscience écologique, nous vivons une rupture du temps qui est en particulier inscrite dans ce motif récurrent du débat public autour du « nous n'avons plus le temps, il faut que nous accélérions, les temps s'approchent ». Dans ces époques-là, la question de l'acte qui, par excellence, formalise notre inscription dans une continuité, le fait d'avoir une progéniture, se pose. Parce qu'on pense que le monde est en train de changer, il se pose à travers des reconfigurations des rapports entre les hommes et les femmes, la remise en question d'idéaux religieux. Et quand on pense à cette histoire du renoncement à la procréation, on le rapporte évidemment au premier temps du christianisme et à l'installation dans le paysage chrétien du monachisme. Et dans le cas de la décision de renoncer à la procréation dans les premiers siècles du christianisme et au-delà, se croisent deux motifs. Le premier motif est effectivement un motif ascétique qui consiste à rechercher par ce choix l'entrée dans un état de vie supérieur. Mais le renoncement à la chair s'inscrit dans une dévaluation de la sexualité liée au péché, et ceci depuis les premiers siècles du christianisme, ce fait est attesté, en grande partie d'ailleurs lié aux influences hellénistiques dans le premier christianisme. Mais Dans les tout premiers siècles du christianisme, cette visée s'inscrit dans un autre motif qui est très explicite, qui est celui de l'imminence de la fin des temps. L'Apocalypse de Jean. Lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges, qui avaient les sept trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Alors jusqu'au 6e, 7e siècle, voire même 8e siècle, l'Église, c'est vraiment un système en formation. Marine Tesson, historienne. Il y a différents points de vue qui s'opposent, certains hérités du judaïsme, d'autres hérités de l'Antiquité classique romaine, et les chrétiens doivent faire avec tout cela et définir notamment une nouvelle vision du couple qui soit proprement chrétienne. Dans l'Empire romain, le mariage, c'était avant tout un contrat pour des questions d'héritage et de descendance. À cela s'ajoute le christianisme, qui va prôner la fidélité entre époux, alors qu'auparavant, la fidélité, c'était seulement celle de l'épouse, et qui va également développer l'idée que une femme peut ne pas se marier et ne pas avoir d'enfant, ce qui apparaît comme quelque chose d'assez aberrant aux yeux de la société romaine traditionnelle. La difficulté, donc, c'est que plusieurs normes cohabitent. Donc l'Église prône l'idée qu'il faut mieux arrêter d'avoir des enfants. Clément d'Alexandrie, au tournant du 2e et 3e siècle de notre ère, cite les paroles du Seigneur à Salomé qui lui demandait « Combien de temps la mort gardera-t-elle sa puissance ?» Le Seigneur répondit « Aussi longtemps que vous autres, femmes, enfanterez. » Donc on est dans une idée que la fin du monde est proche. Avoir des enfants, c'est se détourner de l'œuvre de Dieu et donc que c'est absolument inutile. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dans le livre de l'Apocalypse que j'ai enseigné pendant des années, et à chaque fois je le trouve de plus en plus complexe, mais il y a quand même une certitude. D'abord, Apocalypse, ça veut dire la révélation. Hein. Bernadette Rigal-Sellar, historienne. Mais c'est l'idée que seront détruits les pécheurs, Mais les bons vont rester là, donc c'est la résurrection, hein, mais avec une vision extraordinaire de la Nouvelle Jérusalem qui descend sur terre, et donc c'est très positif. C'est l'idée que se terminent les maux de l'humanité, il n'y a plus de guerre, il y a une guerre finale, les bons vont vivre avec Dieu, dans la lumière de Dieu, etc., etc. Mais évidemment, ce qu'on en retient, c'est tout le côté, justement, qu'on a donné au mot apocalyptique, qui est d'horrible guerre, tribulation, etc. Mais dans le sens que donne le livre lui-même, on va vers le paradis terrestre. Malheureusement, les décennies passent et Jésus ne revient pas. Donc on arrive à des chrétiens et des penseurs chrétiens qui commencent à envisager l'idée sous des aspects plus concrets. Il y a bien évidemment la question des douleurs de l'enfantement et des risques pour la femme. On est quand même à 5 à 10% des femmes qui meurent de l'accouchement ou des suites de l'accouchement. Ensuite, des arguments qui vont être développés par exemple par Jean Chrysostome. Une femme, si elle a des enfants, elle va être toujours en proie à des inquiétudes. Si elle veut éviter tout cela, se consacrer à la vie éternelle, à la vie qu'elle aura après, le mieux qu'elle a à faire, c'est de ne pas se marier et d'entrer dans un mariage mystique avec le Christ. Mais malheureusement, la société n'est pas toujours tout à fait de cet avis. Comparons, si vous le voulez, les biens des femmes mariées avec les moindres avantages des vierges. La femme mariée peut être fière d'une maternité féconde, mais plus elle met au monde d'enfants, plus elle a de travail. Elle se marie et elle pleure. Elle conçoit et l'enfant lui devient un poids. Sa fécondité lui devient à charge avant de produire son fruit. On acquiert l'enfant au péril de sa vie, on ne le conserve pas à son gré. Rappellerai-je les soucis pour le nourrir, l'élever, l'établir ? Et ce sont les heureux qui ont ces misères. Une mère a des héritiers, mais elle augmente ses souffrances. Mais ne parlons pas des adversités pour ne pas ôter le courage au cœur des parents les plus saints. Voyez, ma sœur, comme est lourde la souffrance dont il ne faut même pas parler. Et tout cela concerne le temps présent. Mais des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont pas porté d'enfants. Les enfants de ce monde naissent et donnent naissance. Mais la fille du royaume s'abstient des plaisirs de l'homme et de la chair pour être sainte de corps et d'esprit. » Ambroise de Milan, des Vierges, 4e siècle après Jésus-Christ. On peut dire que le premier événement lié à ça, c'était aux alentours de 2017, où je suis tombée enceinte. Et ça a été très difficile. Enfin, j'ai ressenti un amour directement, une joie. Lucie. Et j'ai dû faire le choix d'avorter. Et jusqu'au moment où j'ai pris le médicament, j'avais encore des doutes, quoi. Mais oui, je c'est sûr que j'aurais voulu le garder et je pensais le garder. Et enfin, suite à ça, j'ai fait pas mal de recherches sur l'écologie et tout. Ça m'a conforté dans mon choix. Enfin, j'ai jamais regretté mon choix, quoi. Mais c'est quelque chose qui a été très difficile. Et ce qui m'amène aujourd'hui à faire en sorte que j'ai pas les conditions pour avoir un enfant. Je veux pas revivre cette chose-là. Donc j'ai fait une petite maison où on ne peut pas accueillir un enfant. Pour moi, j'ai un travail avec des revenus insuffisants qui ne permettent pas une sécurité pour avoir un enfant. Je me dis que si jamais je retombe enceinte, je vais avoir autant de mal à avorter. Donc je mets toutes les conditions possibles pour m'interdire d'en avoir, quoi. Est-ce que le fait d'avoir forger ses convictions écologiques, ça vous a rendu plus supportable le choix de l'avortement ? Bah, oui, parce que ça m'a fait une raison de plus d'avoir avorté, donc ça fait une raison de plus, donc c'est bien, oui. Maintenant, ça devient la seule raison, quoi. Et après cet événement, du coup, on a reparlé avec ma famille de temps en temps, et là, j'ai expliqué les raisons écologiques, qui sont pas forcément comprises par mon père, en tout cas, qui pense que c'est on sait pas de quoi l'avenir est fait, qu'il faut être optimiste, et il voit que j'aimerais bien, ou que Donc il voudrait que je me permette de vivre ça, quoi. Et il donne l'exemple de que les gens pendant la guerre, ils faisaient encore des enfants, donc on peut se permettre aujourd'hui d'en faire. Alors que quand j'en parle à ma grand-mère, elle dit justement, bah, les gens, même pendant la guerre, ils en faisaient, et c'est pas bien. Elle qui est d'accord avec moi, qui comprend tout à fait que je fasse pas d'enfants dans ce monde-là, quoi. Et quand votre père vous dit que vous avez le temps, que vous pourrez changer d'avis, etc., qu'est-ce que vous lui répondez ? Bah que j'ai pas le temps, que plus le temps avance, pire ce sera au niveau écologie. Donc je pense qu'il sera difficile d'avoir à manger et à boire. Qu'il y aura sûrement des guerres, vu qu'il y aura plein de réfugiés climatiques. Les gens pourront pas avoir des loisirs comme nous on a encore aujourd'hui, même si ça pollue. Que tout sera plus compliqué, plus difficile d'accès, que ce sera plus de la survie que de la vie, quoi. Je le vois déjà aujourd'hui, donc je sais que dans 20-30 ans, ce sera encore accentué. Bah, j'ai justement du mal à me voir à plus que 30 ans après. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça ira pas plus loin, ma vie. C'est justement parce qu'il y a aucun avenir pour moi. Et un enfant, c'est l'avenir, ça vivra les mêmes choses dans 30 ans, donc je peux pas en faire. Dans toutes les périodes critiques, on voit apparaître des communautés ou des individus ou des communautés qui déclarent renoncer à la chair. Alors ils le font dans un contexte chrétien qui fait que c'est évidemment lié toujours à cette idée d'entrer par ce biais dans un détachement du monde qui vous éloigne du péché et donc vous fait participer à un ordre, un régime de vie spirituelle supérieur, mais très directement lié aussi au fait que ce sont justement les turbulences critiques de l'époque qui invitent à réactiver ce motif ascétique parce que les temps sont tels que s'installer dans la durée, se représenter dans la continuité des générations devient moins pertinent. Alors on voit très bien, hein, on peut reconstituer, Ernst Troeltsch l'a fait, hein, des grandes configurations où prolifèrent des communautés religieuses, des néo-monachismes, des expériences de type secte au sens sociologique du terme, hein, c'est-à-dire pas du tout dans un sens dépréciatif, mais entendu comme réunion d'une communauté de purs, régénérée, sortie du monde. Eh bien, ces expériences, on en trouve dans les grandes vagues hérétiques du Moyen-Âge et notamment du XIIe, XIIIe siècle. On en retrouve dans le sillage de la Réforme et notamment dans toute la filière piétiste plus tard au XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle, qui entretient des liens avec les aspirations radicales de la Réforme. On en trouve dans le sillage de la Révolution anglaise. On en trouve alors très fortement dans la séquence millénariste du début du XIXe siècle, enfin fin XVIIIe, début du XIXe siècle, qui est très fortement liée à l'industrialisation et à la brutalisation des rapports sociaux, et notamment en Angleterre. Alors on peut prendre quelques exemples, un mouvement comme les Shakers de Anne Lee, cette ouvrière des usines de textile anglais qui va fonder aux États-Unis une communauté dans laquelle on renonce à la procréation et on se met à attendre également un renouvellement radical de toute chose, le monde n'étant plus supportable. Rights of conscience in these days are demand our solemn praise. Alors, les Shakers, eux, ils sont apparus au XVIIIe siècle en Angleterre. Bernadette Rigal-Sellard. Donc, c'est effectivement une société qui est en proie à différentes tensions. Hein. Les gens partent des campagnes, vont dans les villes, s'entassent dans des taudis. Donc, on sait que Anne Lee vient d'une famille qui était assez miséreuse et qui vivait dans ces quartiers où se regroupaient tous les gens qui arrivaient pour travailler dans les usines. Et évidemment, c'était dans des conditions assez effroyables. Et tout ça, c'est dans un contexte de prédication intense religieuse. Donc, c'est une ambiance qui est particulièrement perturbante pour les gens, mais qui trouve dans la Bible la solution, en fait, à leurs problèmes, et notamment dans le livre de l'Apocalypse. Alors, les Shakers vont suivre une femme. Donc, ils arrivent aux États-Unis 1774, donc c'est en période également assez perturbée, puisque c'est la période révolutionnaire aux États-Unis, l'indépendance arrivera en 1776, et ils vont vivre en communauté. Anne Lee, effectivement, a prôné le célibat, Enfin, on pouvait être avec son mari, mais vivre de manière séparée, tout en étant dans la même maison, et le fait de ne pas avoir d'enfants. Alors, le célibat, ils l'ont justifié d'un point de vue théologique. Ce qu'elle va expliquer, c'est que elle reçoit des visions, qui sont des révélations ou des prophéties, et elle explique qu'elle a compris comme ça, par une vision, que la luxure, c'est-à-dire en fait le péché de chair, était la cause de la déchéance humaine, et que seul le célibat permettrait d'atteindre la perfection et le salut. Donc, il faut construire une terre nouvelle, construire un sanctuaire, on pourra vivre en paix, mais il faut qu'on vive de manière tout à fait pure. Alors, ce qui est intéressant aussi là, c'est que certains ont expliqué ça par le fait que, puisque elle était le Christ qui était revenu sur terre, et puisque donc le paradis terrestre était à portée de main, c'était plus la peine de continuer à faire des enfants, puisque ça y est, on arrivait à la fin de l'histoire, il n'y avait plus besoin de continuer à procréer. Les régimes millénaristes, ce sont des manières d'anticiper concrètement le royaume. Daniel Hervieux-Léger. Avec en fait deux modèles. Un modèle qui consiste à imaginer que le royaume est complètement à venir et qu'il s'agit dès maintenant de l'anticiper en représentant ce qu'il pourrait être, en mettant en œuvre ici-bas le régime sexuel consistant à ne pas avoir d'enjeu de procréation, une anticipation du ni homme ni femme. Et un autre modèle dans lequel le royaume est déjà là, il est considéré comme déjà présent, sauf que les hommes sont aveuglés, et aveuglés notamment par la folie d'un monde qui n'est plus supportable, et que dans cette situation, il s'agit de dévoiler le royaume. Alors le premier régime, c'est un pré-millénarisme, le royaume est complètement à venir. Et dans l'autre cas de figure, c'est un post-millénarisme, c'est-à-dire le royaume est là, mais les hommes aveuglés ne le savent pas, et les élus, ceux qui sont capables de s'extirper de la vie ordinaire, vont pouvoir le révéler. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, on pourrait se dire, bon, c'est un groupe millénariste, donc ils veulent plus faire d'enfants. Mais c'est en fait assez à l'opposé d'un grand nombre de groupes millénaristes aussi qui attendent la fin des temps et d'abord le paradis dans lequel ils seront, puisque tous ces groupes-là s'imaginent être les seuls purs. À la fin des temps, les autres seront éliminés. Et comme ils sont les seuls purs, eh bien, ils pourront repeupler la terre. Donc, très souvent, ce sont des groupes qui ont une natalité très, très, très poussée, avec beaucoup d'enfants. Et alors, justement, pour les Shakers, comment, si l'on prône le renoncement à la progéniture, comment la communauté peut-elle survivre ? Alors, ils avaient trouvé facilement la solution. Ils faisaient beaucoup de prosélytisme dans les premiers temps, jusqu'à la mort de Anne Lee. Donc, ils partaient, ils recrutaient. Mais surtout, ils prenaient à l'époque assez facilement des familles, donc avec parents et enfants. Et puis, il y avait beaucoup d'adoptions aussi d'enfants qui, à l'époque, étaient nombreux à être abandonnés. Donc, on les élevait comme ça. Est-ce que vous avez grandi avec une éducation religieuse ? Ah non, mon père a été élevé dans une famille religieuse. Du coup, il a un peu rejeté ce côté-là. Et par mon père, en tout cas, on va plus presque se moquer de la religion. En tout cas, on n'y croit pas du tout, quoi. Oui. Je ne vous ai pas posé une question, vous avez un tatouage ? Ah oui, et c'est fait après l'avortement. Voilà, où c'était le jour de la Saint-Justin. Et du coup, j'ai voulu écrire juste pour me rappeler d'être juste. Daniel Hervieux-Léger, on a souvent l'image d'un christianisme qui aurait encouragé la multiplication des hommes et des femmes. Croissez, multipliez-vous. Et pourtant, il existe une très forte valorisation de la virginité et de la chasteté. Comment est-ce que le christianisme arrive à penser les deux ensemble ? À travers l'eschatologie. C'est le fait que le christianisme vit sur un double régime de temps. Il vit dans le monde, il vit dans le temps de l'histoire, et il vit dans le temps du royaume. Dans le christianisme primitif, l'installation dans le temps de l'histoire est faite, ils appartiennent à un temps, à une société, ils sont dans l'Empire romain, ils sont, etc. Et puis, le temps du royaume, il est anticipé comme très proche. Donc, le temps de l'Église n'est pas encore stabilisé. C'est le temps de l'attente. Et donc, le monachisme s'établit d'emblée dans un double régime de temps. Et c'est dans cette combinaison des temps que le christianisme gère cette contradiction, effectivement, qui est l'injonction biblique à occuper toute la terre, à croître et à se multiplier, et de l'autre côté, l'injonction à renoncer à la chair et à se dédier entièrement aux réalités spirituelles. Mieux vaut se marier que de brûler. Ça, c'est vraiment le terme clé. Et il revient chez tous les pères de l'Église, cette petite phrase de Paul qui dit « Se marier est bien, ne pas se marier est mieux, mais que si on ressent du désir sexuel, eh bien, mieux vaut se marier de toute manière. » Donc, effectivement, on va avoir une hiérarchie. Donc la virginité est au-dessus de tous les biens. Ensuite, le veuvage consacré, conservé, va être au deuxième rang. Et enfin, les femmes mariées arrivent en troisième position. Mais cette hiérarchie est aussi remise régulièrement à plat parce que les prêtres et les grands penseurs chrétiens disent « Attention, vous, vierges, à ne pas tomber dans le péché d'orgueil parce que par votre choix, vous êtes supérieures aux autres. » Et il y a toute une littérature qui développe que effectivement elles doivent rester humbles et ne pas regarder de haut les femmes mariées qui elles n'ont pas eu le courage de faire le choix de s'engager religieusement et de ne pas se mettre en position d'avoir des enfants. Les fidèles, eh bien oui, c'est pour eux une responsabilité d'assurer la continuité du corps ecclésial à travers la reproduction, bien entendu. La finalité du mariage, du point de vue du dogme catholique, est la procréation. Donc oui, il y a une sorte de mission particulière des fidèles et de l'autre côté, les moines, qui ne peuvent être qu'un petit nombre d'élus, évidemment, parce que sinon on courrait dans le mur du point de vue démographique. Le petit noyau des élus, eux, ont pour charge d'anticiper le royaume et de rappeler effectivement aux fidèles la proximité et la réalité du royaume. Alors, on est à la porterie du monastère. À la fois, c'est l'entrée de l'église qui est toujours ouverte pour les pèlerins, et puis c'est l'entrée du monastère proprement dit, où arrivent des hôtes, où arrivent les personnes qui viennent rencontrer un moine au parloir. La librairie est aussi toute proche, et c'est aussi un lieu qui permet aux personnes de se rapprocher sans se sentir complètement engloutis dans le monastère. Frère David, moine bénédictin. Donc, frère David, c'est mon nom de religieux depuis 35 ans. J'ai 67 ans. Donc, je suis devenu moine à 30 ans passés. C'était un choix déjà bien mûri par une recherche de vie dans le monde qui avait eu certains côtés passionnants et d'autres côtés décevants. Et quand j'ai pris ma décision, il y avait à la fois un peu un mariage de raison avec le monastère et puis une espérance d'une vie de communauté. C'était très important quand je suis rentré. Pour moi, c'était vivre avec, ne pas vivre seul. À quoi est-ce qu'on renonce quand on renonce à faire un enfant en tant que moine ? Alors, le renoncement premier, c'est celui qui est manifesté dans le célibat. C'est-à-dire, étant célibataire, le renoncement à l'enfant, en quelque sorte, il est obligé. Il n'y a pas de famille. Mais pour certains frères, cette dimension de l'enfant est sensiblement très forte. Pour moi, c'était vraiment plutôt ce caractère conjugal qui a été déçu dans ma recherche dans le monde. Et donc, je me suis dit, je vais vivre comme célibataire parmi des frères. L'enfant... C'était une conséquence obligée de ce célibat. Mais ce célibat, il n'est pas du tout... Ça n'est pas une décision qui se prend en soi. C'est toujours une référence, je pense, au Christ célibataire. Pour nous, celui qui a donné tout son sens au célibat, c'est le Christ. D'une certaine façon, en restant lui célibataire, il déclare que toute vie, même un peu cabossée, même abîmée, même une personne qui n'est pas séduisante, pas rigolote, qui n'a pas une vie sociale évidente, cette vie-là a de l'intérêt. Elle a un intérêt pour elle-même. Et donc le célibataire, je pense que dans notre monde, c'est surtout une dimension pauvre. C'est une espèce de pauvreté affichée qui dit « bah ouais, j'ai pas été capable de nouer une alliance ». Pour certains, c'est plus volontaire que ça. Moi, je dis, mon expérience personnelle, c'est ça. J'ai choisi le Christ pauvre parce que je me suis découvert pauvre et il me promettait dans cette pauvreté-là une plénitude de sens. Il me disait que la vie n'était pas finie, qu'elle vaut toujours pour elle-même. Je suis le dernier de ma lignée, et tant pis, ma vie aura un intérêt en soi, elle aura même une fécondité en elle-même, même si j'ai pas d'enfant. Et bien donc on est chez Françoise et Jean-Paul, là, ici il y a à peu près 5 hectares. Et oui voilà, ils ont accueilli des gens une bonne partie de leur vie. Et du coup bah là aujourd'hui c'est moi qui les accueille. Donc j'ai mis ma petite yourte ici depuis un an. Johan. On se met sous pliote. Assez jeune, moi je suis rentré dans une sorte de secte, hein, en fait, où on était très engagés spirituellement. Et c'est vrai que là, il y avait un truc un peu de dire, nous, on n'a pas le temps, on va s'engager à fond, on fera pas d'enfants. T'es un peu comme ça, finalement, contre la famille ou contre un resserrement des activités comme ça sur des petites choses personnelles. Ça, finalement, ça n'a pas changé. Enfin, je suis pas obligatoirement dans le prosélytisme maintenant. C'est pas comme ça que j'aime fonctionner. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une vie assez militante, quoi, engagée. Et donc je pense que ça fait quand même grandement partie du choix de ne pas avoir d'enfant. Mais à quel moment vous êtes sorti de cette emprise sectaire et vous avez décidé de vous consacrer à autre chose ? C'est en 2010 que je suis sorti. Et après j'ai repris mes études parce que je les avais arrêtées un peu vite et je suis allé vers un master écologie. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à rencontrer les associations écolos et les paysans. Des gens qui faisaient vraiment de l'écologie, quoi. Après, moi, c'est plus vers des femmes que je me suis tourné, qui avaient la soixantaine, pour parler avec elles de « tu n'as pas enfanté, pourquoi ?» Surtout que ces femmes-là étaient une sorte d'exemple, un peu. C'est-à-dire qu'elles ont une vie assez engagée, lié un peu à la défense de l'écologie, à la paysannerie, au social. Dans les communautés apocalyptiques que nous avions rencontrées en enquêtant dans les années 70-80, on avait rencontré des gens pour qui la catastrophe était tellement proche qu'il n'y avait rien à justifier, puisque de toute façon, le ciel était en train de nous tomber sur la tête. Bon. Et il y a probablement aujourd'hui toujours une frange de gens pour qui il n'y a pas besoin d'argumentaire supplémentaire, hein, c'est l'argument de la catastrophe. Mais pour ceux qui sont dans un entre-deux, c'est-à-dire dont l'objectif est de promouvoir un modèle de société alternatif, il est clair qu'il faut des justifications fortes, y compris pour justifier envers soi-même le choix du renoncement à la procréation, qui a un coût. Et donc l'idée de la fécondité alternative, d'une autre fécondité, est mise au service de la construction d'un monde alternatif. Mais c'était vrai aussi de ces femmes qui renonçaient à faire des enfants elles-mêmes pour soigner les enfants dans les orphelinats au XIXe siècle et qui avançaient comme justification qu'elles rendaient le monde plus juste. Alors elles ne le disaient pas comme ça. Elle disait ça au nom de la charité, mais c'était bien, malgré tout, l'idée que le monde fonctionnait très très très mal. c'est aussi en fait par rapport à la disponibilité à ces enjeux écologiques en fait que je me suis dit mais pourquoi refaire un être en plus, pourquoi moi je me cantonnerais à m'occuper d'une personne alors que finalement je vois plein d'autres choses qui sont qui me paraissent prioritaires. Par exemple, le week-end dernier, ça a manqué de bénévoles là, sur un festival juste à côté d'ici. Je trouve qu'il a beaucoup de sens parce que c'est une ville en fait où il y a eu une grosse déprise, beaucoup de chômage, et eux ils ont fait un festival comme ça en ville. Et en fait, bah moi au dernier moment, je peux décider que je vais passer, je sais pas, 30 heures dans le week-end du vendredi au dimanche là-bas. Et après, je vois comme j'ai personne qui m'attend en fait ou qui a besoin de moi en termes d'autonomie. Bah voilà, après mon sommeil, je le décale. Et c'est vrai que cette liberté en fait fait qu'il y a un engagement qui est quand même très simple. Je pense que ma grande peur, moi, c'était par exemple de voir un projet qui naît à côté de chez moi, ou alors de voir une situation de crise à laquelle je voudrais répondre, et en gros ne pas pouvoir y aller parce qu'il fallait que je garde mes enfants. Je vais vous raconter une histoire de moine par rapport aux enfants. C'était notre vieux frère Pierre, on est dans les années 50, donc ça remonte, hein, et qui était un peu le directeur spirituel de sa sœur qui avait de nombreuses familles. Alors il lui disait toujours, mais tu devrais aller à la messe plus souvent le matin, et puis tu devrais lire ceci, lire cela. Bon, très bien. La petite sœur se laissait faire. Et puis un jour, le frère Pierre tombe malade et il va passer 3 semaines en famille chez sa sœur. Et quand il est revenu de chez sa sœur, il disait, oh, ma sœur est une sainte, ma sœur est une sainte. Enfin, il avait complètement changé sa vision parce qu'il avait vu à quel point être père ou mère de famille, c'était se donner à tout bout de champ, tout au long de la journée, du matin au soir, être dans la transmission, continuellement répondre, être disponible pour l'autre. Et ça, comme religieux, vu du monastère, il ne l'avait pas trop saisi. Ben, cette expérience-là, moi, c'est il y a 2 ans, quand je suis tombé malade là, après un cancer. J'ai eu 2 mois en famille et vraiment, j'ai senti combien c'était vrai, quoi. Et mon frère, ma belle-sœur, les enfants, les petits-enfants, toute la journée, il faut donner. J'étais bien content qu'on m'ait donné, moi, une chambre un peu à l'écart pour le moine, pour que je puisse m'isoler, parce que c'est dévorant, la vie de famille, et j'en étais peut-être pas capable. Le non-désir d'enfant, Alice, on peut le parer de considérations écologiques, mais je pense, pour être tout à fait clair et pour pas être hypocrite, que ça correspond à un puissant désir intérieur. Je pense que quelqu'un qui a vraiment envie de faire un enfant va faire un enfant, même s'il sait que écologiquement c'est pas bon. Et moi, de mon côté, j'ai bien sûr une grande conscience écologique, mais j'ai surtout un puissant non-désir d'enfant. C'est-à-dire que je me suis jamais demandé ce qu'aurait pu être ma vie avec un enfant, tellement pour moi, je me suis jamais projetée dans ce style de vie, en fait. Je suppose que ça m'évite beaucoup de fatigue. Les femmes avec enfants que je vois autour de moi ont des cernes jusqu'au menton, ont des tasses de thé froid et entamées dans toute la maison, ne s'informent plus, ne font plus rien, ne lisent plus. Je pense que ma qualité de vie est supérieure à celle de beaucoup de mères. J'ai une vie plutôt tranquille. Je travaille un peu, mais pas trop. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui se tue au boulot. Je fais uniquement ce que j'aime. J'ai une amie qui ne fait pas ce qu'elle aime. Elle voudrait démissionner de son travail qui lui pèse énormément, qui la fait énormément souffrir, mais elle ne peut pas parce qu'elle a les enfants. Voilà. Donc elle a 2 enfants à assumer. Bon, bah moi, à chaque fois qu'un boulot m'a cassé les pieds, j'ai claqué la porte, j'ai démissionné. Ça, c'est peut-être un luxe qu'on peut se permettre de faire quand on n'a personne sur les bras, en fait. J'ai une vie simple, j'ai pas de gros besoins, en fait. Même, voilà, j'aurais plus d'argent, ça changerait pas forcément grand-chose. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas profité de pas avoir d'enfants pour faire une carrière de malade ou pour gagner beaucoup d'argent. Ça m'intéresse pas, en fait. Marine Tesson, est-ce que vous avez un exemple de texte ecclésiastique dans lequel on peut lire cette crainte que si des femmes font le choix de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas pour se consacrer à Dieu, mais plutôt pour vivre leur bon plaisir. Oui, ça c'est une question qui transparaît dans beaucoup de textes chrétiens. Ce choix de non-maternité va être considéré comme suspect si c'est un choix en tant que tel. La femme de l'Antiquité tardive qui s'engage à mener une vie ascétique chrétienne complète sans relation sexuelle doit aussi s'engager à tout un ensemble de comportements qui restreignent sa liberté. Donc on va voir toute la définition, une bonne veuve ou vierge consacrée doit rester chez elle, ne sortir que pour aller à la messe ou pour certaines cérémonies religieuses, elle ne doit pas boire de vin, son alimentation doit être composée essentiellement de légumes, de fruits, très peu de viande. Il faut rythmer sa journée avec les prières et la lecture des psaumes. Il y a tout un ensemble de choses qui sont ainsi définies pour que la femme qui profite de la possibilité chrétienne de ne pas se marier qui lui est offerte ne profite pas, en quelque sorte. Et effectivement, c'est une question qui peut se poser sur pas mal de points. La possibilité de consacrer sa vie à l'étude, d'avoir des correspondances avec des intellectuels. C'est peut-être plus facile pour la vierge ou la veuve non mariée. Et tout au long de l'histoire de l'Église, on va voir un nombre incommensurable d'exemples de ces femmes qui vont arriver à obtenir un rôle social qu'elles n'auraient pas eu, ou seulement dans l'ombre de leur mari, si elles s'étaient mariées et avaient eu des enfants de manière traditionnelle. Alors, on sait très bien que des femmes vont embrasser la carrière de moniale pour échapper à une condition maritale qu'elles refusent parce qu'on la leur impose. Daniel Hervieux-Léger. Il y a des femmes qui vont choisir d'être moniales pour parcourir un destin spirituel et intellectuel que leur condition de femme ne leur permet pas d'accomplir autrement, bien sûr, et ça on en trouve à tous les siècles. Hein. Et on en trouve, alors, de façon très intéressante, au XIXe siècle, dans l'engagement des femmes dans les congrégations enseignantes et soignantes, dans lesquelles elles font vœu de célibat, puisque ce sont des congrégations religieuses, mais dans lesquelles elles ne sortent pas du monde, elles ne s'extraient pas du monde, elles vont éduquer les enfants, elles vont soigner les malades, elles vont soigner les vieillards, et elles vont trouver là-dedans des véritables carrières. Pour toute une série de femmes vouées à devenir des mères de famille bourgeoises, ça a joué. Et puis pour des femmes de couche populaire, la possibilité non seulement d'échapper au mariage, mais éventuellement d'accéder à une éducation, etc. Et ça n'invalide pas les vocations spirituelles des personnes qui sont entrées là-dedans. Hein. Quand je me suis renseignée sur l'écologie, je me suis aussi renseignée sur l'antispécisme, enfin, tout ça. Du coup, j'ai eu une période un peu radicale, on va dire, où j'ai pas mal milité. Et où d'ailleurs, toutes mes dépenses allaient là-dedans pour mes trajets, pour aller militer, faire de la sensibilisation ou des actions directes. Voilà, c'est vrai que j'ai consacré deux ans de ma vie, on va dire, à faire que des actions pour les autres, pour l'environnement, en croyant que ça pourrait changer. Et justement, j'ai bien vu que ça n'avait pas de résultat. Donc, c'est là aussi que j'ai choisi d'arrêter de passer ma vie à ça. Je me dis que j'ai qu'une vie et que j'ai pas envie de la sacrifier, de me priver de vacances parce qu'il faut prendre l'avion ou de partir en week-end voir une amie parce que ça, je prends la voiture, ça pollue, tout ça. Donc, je suis un peu moins à appliquer mes convictions à la lettre ou au mieux, quoi. Et je pense même que je vais m'autoriser à aller en vacances cet été. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous vous autorisez jamais à faire ? Bah, à faire un enfant. Bah, non, c'est vraiment le gros truc que je refuse de faire, quoi. Sinon, il y a j'essaye des petites actions comme ça, simples, quoi. Alors, c'est pas entièrement un mauvais calcul, parce que toute vie et toute manière de vivre aura un impact écologique non nul. Emmanuel Pont, auteur de « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Une personne de plus, c'est toujours un petit peu plus de pollution. La question est combien et à quel point est-ce que ça change les choses. Donc là-dessus, moi, ce que j'aime bien imaginer, c'est qu'est-ce qui se passe si on était deux fois moins ou deux fois plus. Est-ce que on fermerait la moitié des puits de pétrole, ou est-ce que, à l'inverse, on en ouvrirait deux fois plus ? Pas vraiment. On serait dans un monde différent avec un autre équilibre économique, et si ça se trouve, eh ben, on aurait tous, par exemple, le mode de vie de l'Américain moyen, qui, pour un niveau de vie assez proche de l'Européen, eh ben, en fait, a deux fois plus d'émissions. Parce que y a moins de densité, les maisons sont plus grandes, les voitures sont plus grosses, il y a plus de distance, etc. Est-ce que c'est un monde où, tout d'un coup, ça serait plus rentable de détruire l'environnement ? Bah non, ça serait toujours rentable de détruire l'environnement, et donc il y a des gens qui le feraient, parce que ça serait leur intérêt. Est-ce que c'est un monde où les pays auraient intérêt à suivre leurs engagements pour le climat, qu'aujourd'hui ils ne suivent pas ? Bah non plus. Donc, on a cette idée un peu naïve que nos pollutions sont proportionnelles au nombre de personnes, alors qu'en fait, tous les mécanismes importants, toutes les grandes questions, viennent modérer très fortement ceci, et si ça se trouve, être un peu moins, ce serait juste gagner un petit peu de temps, sans absolument rien changer sur les choix, la trajectoire, etc. Donc, là encore, je pense que c'est vraiment un combat qui ne changera pas grand-chose et qui est souvent utilisé comme un combat pour de déni. Je trouve que c'est une sorte de comble de l'individualisation de l'impact écologique et de comble de prolongation du statu quo. Comme si un enfant était condamné à avoir tel impact écologique, alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est d'autant plus discutable que il n'y a pas d'enfant moyen. Votre enfant, les émissions liées à son mode de vie, va dépendre de la manière dont vous vivez en tant que famille, et là-dessus, c'est vous qui avez la main. Et alors, si on revient à cette question de l'enfant, mais dans une perspective écologique, comment interprétez-vous ce désir chez un certain nombre de personnes qui, pour des raisons écologiques, décident de ne pas faire d'enfants? Alors, je crois que ça me donne plutôt au départ de la tristesse. Frère David. C'est-à-dire que la joie, pour moi, c'est l'enfant qui le dit le plus au monde. À 4 ans, à 5 ans, un petit gamin qui surgit dans un perloir, comme ça. La joie lui est connaturelle, et qu'ensuite ça tarit. Et l'adulte, même des gens très joyeux et tout, c'est pas la même qualité que cette espèce de tonus qu'a l'enfance pour tout faire exploser, tout dynamiser, tout changer, refaire le monde. Et je dis c'est la tristesse, parce que s'il n'y a plus l'enfant, il n'y aura personne pour refaire le monde. C'est lui seul qui peut refaire le monde, c'est pas nous avec notre... On est déjà vieilli, alors que l'enfant, lui, il aura des clés nouvelles que j'ai pas. S'il m'arrive d'aller à Paris pour une conférence, pour une rencontre de frères, ou je sais pas quoi, je vis quelques jours à Paris, et là, brusquement, je me dis c'est invivable. Mais dès que je reviens en pleine nature, j'ai l'impression que la vie reprend ses droits partout. Quand je vois la qualité d'une cellule familiale heureuse, je me sens pas le droit de dire aux gens « mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous préparez pour la planète ?» D'abord, souvent, quand la famille est un petit peu nombreuse, ce qui est le cas souvent de mes petits cousins, la sobriété est assez souvent là. Les habits du grand passent au suivant, on est beaucoup moins regardant sur les marques, sur les je sais pas quoi. L'alimentation, c'est pareil, on fait à manger pour 8, on fait pour 8, mais c'est forcément plus sobre que si chacun se fait son menu et tout. Donc j'ai du mal à condamner la vie. Je ne sais pas si c'est un réflexe de chrétien. Je crois à la fraternité. Je crois qu'il y a beaucoup de gens éclopés qui ont absolument besoin de la fraternité et de la vie communautaire sans enfants. parce que c'est leur planche de salut, c'est la mienne, et ça peut l'être pour beaucoup de monde, de sentir qu'on peut être aimé, on peut être aimable, sans avoir fait ses preuves comme reproducteur. Et donc, je trouve qu'on a besoin des deux. Pour moi, c'est la liberté qui se dit entre les deux. C'est-à-dire que l'état de vie, ça n'est plus la loi de perpétuation de l'espèce, c'est plus la loi du clan qui obligeait à se marier et à faire des enfants. Ça, c'est un truc qui est révolu avec le christianisme. Et pour que ce soit bien marqué dans les fêtes, il faut qu'il y ait des célibataires. Et il faut maintenir ce pôle de célibat pour dire « mais vous êtes libre ». Vous n'êtes pas pris dans un système qui vous oblige ni à la vie familiale, ni à une autre type de vie. C'est vous qui choisissez. Et donc, ça me paraît très important, parce que cette liberté, elle est précieuse. Ah, peut-être qu'on n'a pas très longtemps pour l'entendre, pour l'écouter, parce que on se décide à vivre en célibataire ou en conjugalité dans un intervalle de vie, je ne sais pas, on a 5 ou 10 ans pour faire son choix. Et ça peut être une période assez troublée, parce que la sexualité, c'est aussi un trouble. Et donc, ça va parfois trop vite. Et on est pris dans quelque chose qui nous a dépassé. Alors là, redire la liberté, redire c'est quelque chose que vous choisissez, je trouve que c'est important. Pour le bonheur de celui qui choisit de fonder une famille, comme pour celui qui dit « non, moi je crois que je vais rester sur le bord ». Et puis on va essayer de se laisser aimer quand même. D'une apocalypse à l'autre. Avec Daniel Hervieux-Léger, Bernadette Rigal-Sellard, Marine Tesson, Emmanuel Pont, Alice, Frère David, Lucie et Johan. Merci à Boris Collet, Claire Cachecouche et Irène Théry. Lecture Daniel Koenigsberg. Documentation Anne-Lise Signoret. Attachée de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Carvran. Prise de son Lucas Finet, Éric Audra et Bruno Mourlan. Mixage Éric Boisset. Non merci, pas d'enfants. Une série de Manon Prigent, réalisée par Anne Fleury.